Le livre du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques est essentiellement un poème lyrique composé de 13 chants d'amour. Le roi Salomon s'était pris d'une jeune femme israélite qui, à ses yeux, surpasse toutes les autres jeunes filles par sa beauté. Au chapitre 1er, nous apprenons que la Sulamite, c'est le nom de la jeune femme dans ce livre, gardait les vignes. Mais son cœur a répondu aux sentiments de Salomon au point d'en devenir malade d'amour. Derrière ces personnages principaux résonne le cœur des filles de Jérusalem qui se réjouissent de cette idylle. À la fin du livre, les frères de la fiancée interviennent à leur tour, mais de façon très brève. L'essentiel des 8 chapitres de ce livre est consacré au dialogue entre Salomon et la Sulamite. Beaucoup de lecteurs de l'Écriture s'étonnent que le texte sacré réserve autant de place à l'amour passionné du roi Salomon et de la Sulamite. Mais il y a certes plus que cela dans ce livre. Les Israélites y voient un récit symbolique illustrant l'amour de l'Éternel à leur égard. Effectivement, l'Éternel se présente à diverses reprises dans l'Ancien Testament comme un époux qui a choisi la nation d'Israël comme épouse. Vous trouverez par exemple cette expression en Ésaïe 54. Dans la prophétie d'Osée, chapitre 2, Dieu s'engage envers la nation juive dans les termes suivants. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. L'on comprendra donc que déjà pour les Israélites des siècles précédant l'ère chrétienne, le Cantique des Cantiques avait toute sa valeur parmi les textes inspirés du canon sacré. Mais ce livre devient un joyau scintillant d'un brillant éclat lorsqu'il est éclairé de la vive lumière du Nouveau Testament. Si les Juifs ont vu dans le Cantique des Cantiques une allégorie de l'amour de l'Éternel envers Israël, les chrétiens y discernent l'expression de l'amour qui unit Jésus-Christ à son Église. Cette interprétation correspond à certains passages du Nouveau Testament où l'Église est comparée à une fiancée ou à une épouse. Ainsi, l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » 2 Corinthiens 11, 2. Examinons donc de plus près ce merveilleux parallèle. Salomon était parvenu à l'apogée de sa gloire, cette gloire qui fut plus grande que celle des lys des champs, comme l'a constaté le Seigneur Jésus lui-même, mais qui ne fut toutefois qu'une faible représentation de la gloire présente et future de Jésus-Christ. C'est du reste au sujet de Jésus-Christ qu'on lit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 42. Voici, il y a ici plus que Salomon. Dans le Cantique des Cantiques, il y a effectivement plus que Salomon. Salomon veut dire roi de paix. Qui est-il, le véritable roi de paix, celui qui un jour amènera une paix véritable au sein des nations de notre monde et qui règnera sur elles en leur faisant goûter une gloire incomparable? C'est Jésus-Christ que l'Écriture présente aussi comme l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Ésaïe 9, 5. Mais Jésus-Christ ne règne pas encore ici-bas. Présentement, nous vivons le temps de l'idylle entre le divin Salomon et celle qu'il a choisie comme future épouse, c'est-à-dire son Église. Ce mot « Église » ne doit pas évoquer pour vous une congrégation, une communauté définie ou les représentants d'une religion, encore moins un bâtiment avec un clocher. Lorsque le Nouveau Testament utilise ce mot, il désigne l'Église universelle de Jésus-Christ, cet ensemble de croyants de toute nation et de toute langue, nés de nouveau, rachetés par le sang de Christ et scellés du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ doit devenir cette épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 27. La Sulamite du Cantique des Cantiques, une jeune fille simple venant de la campagne, était destinée à entrer dans les palais du roi. De même, l'Église de Jésus-Christ ne possède rien, ne mérite rien. mais elle est appelée à entrer un jour dans les palais du roi, c'est-à-dire le ciel, et à unir ses destinées à celles de son Seigneur. Aussi pouvons-nous découvrir, dans les phrases inspirées du Cantique des Cantiques, le dialogue qui doit s'engager entre l'Église de Jésus-Christ et son Seigneur. Lisons tout d'abord au chapitre 3, verset 2. La Sulamite, dont le cœur a été éveillé par l'amour de Salomon, répond avec élan « Je chercherai celui que mon cœur aime. » Elle a besoin de rencontrer son bien-aimé. Elle a besoin que son bien-aimé lui parle. Elle a besoin de sa compagnie. De même, l'enfant de Dieu éprouve toujours plus le besoin d'un contact intime avec son Seigneur. Nous retrouvons dans le Cantique des Cantiques la même pensée au chapitre 5, verset 2. C'est toujours la Sulamite qui parle. « J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. » N'est-ce pas là l'attitude de l'Église fidèle qui entend déjà son bien-aimé qui frappe? Ses oreilles sont ouvertes à sa voix. Elle se prépare à son retour soudain. En attendant, elle tient à affirmer son appartenance à Christ dans les termes qu'a utilisé la Sulamite à l'égard de Salomon, Cantique des Cantiques 7:11. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Cependant, si les désirs de l'époux, c'est-à-dire du Seigneur Jésus, se portent vers son épouse, l'Église, cette dernière est-elle prête à sa venue prochaine? N'a-t-elle pas encore une mission à remplir? Elle a reçu l'ordre d'annoncer la bonne nouvelle à toute créature jusqu'aux extrémités de la terre. D'autres doivent encore se joindre à elle en devenant à leur tour membres de l'Église universelle. Si elle remplit sa mission, Jésus-Christ en sera honoré et elle portera du fruit pour lui. N'est-ce pas ce que l'on discerne dans les paroles de la Sulamite lorsqu'elle déclare, Cantique des Cantiques 7:14 ? Nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Puis le dialogue reprend. Au-delà des paroles de Salomon à la Sulamite, découvrons ce que le Seigneur certifie à celle qui deviendra son épouse. Cantique des Cantiques 8:6. L'amour est fort comme la mort. Or le Seigneur Jésus a déclaré « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jean 15:13. L'Église a été l'objet d'un amour exceptionnel, un amour qui a coûté la vie à Jésus-Christ. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Et cet amour a triomphé de la mort, il a été plus fort que la mort. Non seulement il n'y aurait pas eu d'Église si Jésus-Christ n'était mort pour nous, mais à la croix du calvaire, il a remporté une victoire définitive sur la mort en arrachant à l'enfer une multitude de croyants dont le cœur est désormais rempli d'une vive espérance. Saint Paul déclare « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Puis, pour montrer que l'amour de Christ peut triompher de tous les obstacles, il ajoute « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Épître aux Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Or, à la fin du Cantique des Cantiques, on retrouve le même langage dans un élan de cœur de la Sulamite à l'égard de Salomon. « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. » Cantique des Cantiques 8:7. Saisissant parallèle, il n'est pas de fleuve qui puisse submerger l'amour de Christ, ni de grandes eaux qui puissent en arrêter le cours. Rien, ni aujourd'hui ni demain, ne pourra séparer l'enfant de Dieu, le croyant membre de l'Église de Jésus-Christ, de cet amour insondable de son Seigneur. Faites-vous effectivement partie de l'Église universelle de Jésus-Christ ? Êtes-vous membre de cette épouse qui bientôt sera réunie à son époux? Sinon, en ce jour, laissez-vous aimer. Laissez-vous arracher à la damnation éternelle. Laissez-vous sauver. Et vous aurez part à l'éternité glorieuse de joie et de paix dans la présence de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Un commerçant rentrait d'une journée harassante où, pendant des heures, il s'était donné à ses clients pour leur fournir ce dont ils avaient besoin. Exténué, il arriva à la maison et tomba dans son fauteuil. Alors, son petit garçon vint vers lui et lui dit « Papa, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi ?»« Mais oui. Et pourquoi veux-tu t'asseoir à côté de moi ?»« Parce que j'aime être avec toi. » Toute la journée, le commerçant avait offert ses services à ceux qui voulaient obtenir quelque chose de lui. Et maintenant, voici enfin quelqu'un qui l'aimait et l'appréciait pour lui-même, sans que nécessairement il doive lui fournir quelque chose. Peut-être avez-vous jusqu'ici poursuivi un idéal de justice, de vérité et de bonté, étant prêt même à vous sacrifier pour les autres. Cependant, l'amour dont vous faites preuve pour votre entourage ne saurait vous ouvrir le ciel. Il ne suffit pas d'aimer les autres. Il faut vous laisser aimer. Et parce que vous vous laisserez aimer, non pas par les hommes seulement, mais avant tout par Dieu, vous vous laisserez sauver par Jésus-Christ, celui qui vous a suffisamment aimé pour se donner pour vous à la croix du calvaire. Ouvrez votre cœur à sa grâce. Et alors vous constaterez ce que la Sulamite du Cantique des Cantiques a constaté lorsqu'elle s'écria « La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. « Oh, que Jésus-Christ étende cette bannière-là sur vous dès cet instant !»